Elle arrive comme si de rien n'était. Un tel sang-froid qu'on y croirait ça. Elle sait si bien le faire. Elle est toute fraîche, refaite, cheveux parfaits. Elle vient de prendre sa douche, ça c'est bête et louche, elle va pas me la faire. Elle se glisse doucement sous les draps. Un bisou dans le cou et moi je suis là, je bouge, je garde le contrôle de tout. Parfois la roue qui tourne et c'est lent. Faut prendre les choses en main, lui donner de l'avance. Oh oh oh. Je vais mettre mon petit cœur de côté. Parfois la roue qui tourne est si longue. Tourne, tourne, tourne, petit bonheur, la chance. Oh oh oh oh. Map mes petits cœurs à côté. C'est là que je pousse le vice encore plus loin. Je la prends dans mes bras, lui susurre à l'oreille que j'ai envie d'elle. Je me glisse en elle lentement. Je la fixe essayant de déceler une once de culpabilité. Parfois la roue qui tourne est si lente. Pour prendre les choses en main, lui donner de l'avance. Oh oh oh. Je vais mettre mon petit cœur de côté. À cet instant, j'essaie de comprendre le genre de personne qui pourrait tromper et juste après se donner, sans compter, me souiller, me souiller. À présent, tu sais que je sais, mais qui sait que je te traite à la hauteur de ce que tu es. Maintenant que je viens de me déposer en toi, tu prends des clics et des claques. Les clés de la voiture sur la table, tu les laisses. Les loups boutins, je te les laisse. Je te trouve si jolie avec elle. Valise ou parée, on met déposé clé machine là, sous ta bla. Loup boutin à on met qu'un bel. Moi trouvé ou très belle avec oh, oh. Parfois la roue qui tourne est si lente. Faut prendre les choses en main, lui donner de l'avance. Oh oh oh. Je vais mettre mon petit cœur de côté. Parfois la roue qui tourne est si longue. Tourne, tourne, tourne, petit bonheur, la chance. Oh oh oh oh. Map mes petits cœurs à côté. Parfois la roue qui tourne est si longue. Prends les choses en main, lui donner de l'avance. Oh oh oh. Je vais mettre mon petit cœur de côté. Parfois la roue qui tourne. Cette chanson-là, c'est sûr. Je vais me faire défoncer, ça c'est sûr. Ok, Nicky, that's good for me.